La cave épisode 21, pas de sujet, pas de problème. Ok, bonjour, bienvenue à la cave tout le monde. C'est quoi fuck, qu'est-ce que je viens de manquer? Podcast qui fait référence au passé pour mieux regarder de l'avant. C'est toi Doom qui a pensé à ça, cette belle phrase. On fait un épisode un peu random aujourd'hui. Je sais pas c'est quoi que la petite madame robot elle a dit juste avant, mais sûrement c'est genre. Je vais trouver ça plus tard, mais. C'est ça. Bonjour. Oui, mon nom est Jake Dion. Mon nom est Denis Carrier. Bienvenue à la cave, le balado québécois le plus ponctuel. Ben oui, mais hein, on est sur une fucking bonne lancée. Puis notre dernier épisode, on a parlé de Resident Evil, on a eu des beaux commentaires. C'était cool quand même. Oui, oui. Mais les gens à la maison, n'hésitez pas à écrire directement. Sur la messagerie de Facebook de la cave, parce que tous les messages sont allés dans ta messagerie personnelle. Ouais, c'est ça. Puis je t'ai fait forwarder après. Ouais. Mais non, c'est des super bons messages. Franchement, merci. C'est merci cool. de nous écouter. Ouais. Mais, hein. Ouais. Puis moi, je sais pas si tu te rappelles de notre dernier épisode. j'ai fini en disant je viens de m'acheter Resident 7 puis je veux jouer. Mm-hmm. Fait que j'aimerais ça qu'on en parle peut-être plus tard. Ouais. Parlons-en maintenant. OK, on va en parler puis, directement. Puis moi, j'ai oublié qu'on est passé du 3 au 4, mais on a oublié de parler de Resident Evil Code Veronica X, qui faisait un peu le pont entre le 3 et le 4. Ouais. Sur Dreamcast, puis après sur PS2. Ouais. Mais il y a quand même d'autres jeux sur d'autres plateformes. On a vraiment couvert le canon de base. Là, si puis, il y avait aussi deux reboots sur le oui, GameCube. Oui, qu'on avait parlé avec le requin. Mais on a parlé du Resident Evil, mais est-ce qu'on a mentionné l'autre? C'était-tu Zero Resident Evil Origins? Zero. Zero, hein? Dans le train, je pense, là. Ouais, exact. Ouais. Que j'ai pas joué non plus. Ouais. Mais bon, regarde. Il y en a. Puis, finalement, après, je me suis acheté Resident Evil 7. Mm-hmm. Puis, que tu le fais sans casse VR, là? C'est ça. Mais c'est ça ma question. Je veux commencer par ça parce que moi j'avais joué aux démos à l'époque. Tu sais, Resident 7, c'est je pense un jeu de 2016. Fait que ça fait quand même un bout qui est sorti. 2016 ou 2017. Puis je me rappelle que j'avais joué aux démos à l'époque qui s'appelait Beginning Hour, qui était un long démo. Là. Tu sais, si tu faisais tous les puzzles, là, tu pouvais jouer au moins ouais, une heure. Je pense qu'il y avait même trois chemins différents que tu pouvais faire. Là. Exact. Puis moi, j'ai entendu parler que toi, t'as aidé notre ami dessinateur, auteur de BD, Julien Paré-Sorel, à finir le démo parce qu'il était pas capable de jouer tout seul. Il me l'a fait essayer. OK, il te l'a fait essayer. Oui. Est-ce que c'était en VR ou non? C'était non, c'est okay. Pas... C'est... Mais moi, peut-être que mon subconscient m'a aidé à faire des conneries pour dédramatiser, mais c'est moi qui avais la manette, puis il y avait Olivier Carpentier aussi. Puis à chaque fois j'entrais dans une nouvelle salle, je sais pas pourquoi, genre je me baissais avec le L3 puis j'allais dans le coin puis les deux gars ils capotaient à côté de moi. Puis... fait que ouais, peut-être ça l'a aidé à faire moins claustrophobique en faisant le cave un peu. Là. Je vais juste raconter une mini origin story de Resident 7 avant de vraiment décrire le jeu. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était un peu après P.T., le démo qui était sorti. Ouais. Et on savait toujours pas c'était quoi. T'sais, on savait que c'était un playable teaser de Silent Hills, P.T., mais c'était pas clair exactement si... bref, qu'est-ce que ça allait devenir. Puis avec Konami, c'était comme flou un peu. Jusqu'à certains points, je pense qu'eux autres non plus n'étaient pas certains exact. Le produit final allait être. C'est ça. Puis, à ce même moment-là, il y a eu la convention E3. Puis tout le monde, tous les journalistes parlaient d'un jeu qu'ils avaient essayé en VR qui s'appelait, c'était un démo qui s'appelait The Kitchen. Puis c'était juste, en fait, une expérience VR. T'es à la première personne, t'es assis sur une chaise, t'es attaché et il y a une caméra qui te filme et t'es dans une cuisine super glauque, super dégueu, puis il y a comme quelqu'un de mort à côté de toi. Donc, tu peux pas bouger, tu fais juste regarder. Tu peux juste regarder, puis t'essaies de te débattre, puis là, finalement, le gars que tu pensais qu'il était mort se lève, il essaie de te détacher, il se fait attaquer par une espèce de femme sorcière, zombie, weird. Et tout le monde décrivait cette expérience-là comme la chose la plus terrifiante qu'ils ont vécu dans leur vie. Parce que, rappelons-nous, c'était au début du VR. Fait que, tu sais, il y avait pas beaucoup d'expériences, tu sais, HD, tu sais, évidemment, la montagne russe, tout ça, faire la même. Mais il y avait pas beaucoup d'affaires, tu sais, comme, un peu plus poussées. Puis, la direction artistique, le sound design, tu sais, tout ça, c'était comme vraiment bad tripant. Et ce qui est rajouté à ça, c'est que personne savait c'était quoi. Ça s'appelait juste The Kitchen. C'était un démo. C'est un démo qui, il y a un lien avec Resident 7? C'était Resident 7. Fait que quand le démo est sorti de Beginning Hour... Fait qu'il y avait pas de nom de compagnie qui présentait ça, ou c'était un faux nom... Ça, je le sais pas, je m'en rappelle pas. Mm-hmm. Je me rappelle pas si c'était... Parce que probablement que c'était au bout de Capcom. Mais je me rappelle que dans les trucs que je disais, tout le monde disait, on sait pas c'est quoi. Mm-hmm. Fait, mais je me rappelle sûrement que c'était au bout de Capcom, parce que sinon c'est juste weird, là. Mais... Ce qu'il faut dire, c'est que le Resident Evil 7 est tellement loin de où on a quitté la franchise, c'est-à-dire avec le 6, que je pense que c'est même si c'était au bout de Capcom, les gens n'auraient pas associé ça à Resident Evil. Mmh. Ils auraient fait comme c'est un nouveau jeu d'horreur, on sait pas trop c'est quoi, c'est-tu juste un truc VR, c'est-tu un jeu qui va être jouable, c'est-tu juste un test pour faire battre triper le monde. Puis, ben c'est ça, ce qui nous mène à Resident 7 est en fait un, c'est pas un reboot. C'est, ça se passe dans la même, tu sais, c'est dans l'univers canonique et tout, mais le ton de jeu est complètement différent de... Oui, ils ont vraiment fait table rase, puis on repart un peu à neuf. Exact. Donc, on joue plus un espèce de SWAT dude qui travaille pour le gouvernement super musclé avec un paquet de guns qui sauve, qui fait le saut de l'ange avec des explosions derrière lui. On joue un gars qui reçoit un message de sa blonde qui est disparue depuis 3 ans et qui va la chercher en Louisiane dans une vieille maison abandonnée. Donc, c'est juste un dude normal. Puis ça, c'est répliqué dans le gameplay. Tu sais, comme quand tu tiens des armes, tu vas shaker, tu vas pas, tu sais. Et le ton est beaucoup plus proche de Texas Chainsaw Massacre que de... Des derniers Resident. C'est ça. Puis, c'est ça. Toi, t'as joué au démo, donc t'as vu la maison dégueu, puis l'ambiance. Puis, je pense qu'on va dans le cave. Puis, c'est ça. Je pense que l'une des premières pièces, c'est avec un interrupteur. Ça l'active comme des choses à l'étage, fait que tu y vas, puis finalement c'est plein de mannequins, puis il y en a un qui bouge, puis tu sais, ça c'est... Puis ce qui est cool, c'est que moi j'ai joué au démo une couple de fois, puis... Rien de réconfortant. Non, il y a rien de réconfortant. Puis ils ont changé un paquet d'affaires. Fait que quand tu joues au jeu, tu reconnais l'environnement, mais justement les mannequins sont plus là, puis là t'es comme, ils vont-tu apparaître, puis la Switch est pas à la même place, puis tu sais, des affaires de même. Puis un des concepts de gameplay qui est brillant, c'est que dans cette maison-là, t'as une télé avec un vieux VHS, puis tu peux trouver des cassettes VHS. Et quand tu les mets dans le VHS, tu vas jouer ces séquences-là. Donc, le démo... Donc, d'autres personnages. Ouais, exact. C'est ça. Donc, le démo, ce que t'as joué, c'est une des cassettes VHS que tu trouves. Puis les cassettes VHS, évidemment, ce qui est cool, c'est que... ça se passe souvent dans le même environnement, mais ça va te faire découvrir des trucs que tu sais pas encore. Donc, une porte cachée ou whatever, quelque part. Que là, quand tu sors de l'expérience VHS, donc tu reviens dans le vrai monde, ou je sais pas trop comment appeler ça. Fait que quand tu joues la portion VHS, tu peux pas mourir? Ou tu peux mourir pareil, mais tu recommences. C'est un peu moins stressant de ce côté-là, savoir que t'es... C'est aussi stressant. Puis au début, tu sais, c'est que au début, il y a tout le temps une petite mise en scène. Tant que tu sais que tu vas revenir à ton autre personnage. On pourrait penser que c'est moins stressant, mais non, pas en tout. C'est aussi battant parce que ils ont mis l'effet VHS en plus. Fait que c'est plus flou, c'est plus creepy. T'as du tracking. C'est ça, il y a du tracking, c'est granuleux, c'est fucking battant. Fait que là, c'était mon projet. de faire comme, OK, moi, je veux pas jouer tout seul, dans le noir, je veux bien trop bien triper. Fait que je vais impliquer ma blonde là-dedans, qu'elle le veuille ou non, puis elle, elle va avoir un walkthrough, puis elle va m'aider quand on est pogné. Et ça a pas full marché. Parce que de un, je pense que je voulais aussi embarquer, là. Mais moi, j'ai embarqué à 1000%. Fait que chaque petite affaire, je capotais ma vie et je criais. Puis ça, ça la faisait stresser. Puis tu sais, il y a du monde qui écoute des films d'horreur comme moi, mettons, puis quand ils ont peur, ils aiment ça. Mais il y en a que quand ils ont peur, ils aiment pas ça. Puis ça, c'est ma blonde. Fait qu'elle était comme, non, non, là, c'est plus fun, là, c'est plus fun. On arrête, là, on arrête. Fait que, tu sais, la première fois, on a joué, une petite session. OK, il y a eu plus qu'une fois. Oui, il y a eu une fois. Deux, trois. Une fois, on a joué une heure. Après ça, on a rejoué un petit peu, genre, comme plus tard dans la semaine. Là, moi, j'étais dedans, là, je voulais avancer. Puis finalement, on l'a fait trois fois. OK. Puis, je pense que, en fait, ma blonde, elle aurait aimé ça continuer. Parce que j'ai continué tout seul par après. Puis la seule affaire, c'est qu'elle m'a dit, tu sais, comme, ah, j'aurais aimé ça continuer avec toi parce que j'aimais ça quand même. C'est juste que je pense qu'on voulait pas les mêmes doses. Elle, elle aimait les petites doses d'une demi-heure. Moi, je voulais jouer trois heures de temps. Okay. Parce que j'étais vraiment dedans. Mm-hmm. Mais c'est... Doom, c'est extraordinaire. C'est un jeu extraordinaire. C'est je capote. Là, je l'ai pas fini encore. Je suis rendu à la fin. Puis je veux pas trop spoiler parce que il y a beaucoup de revirements puis beaucoup de trucs. Mais vu que j'étais chez ma blonde cette semaine, je pouvais pas jouer parce que le Play 4 est chez nous. Fait que je checkais des walkthroughs de monde qui avaient fait les segments que moi j'ai déjà joué. Juste pour voir où t'étais rendu, c'est ça. Pour juste pas te gâcher, là. Ouais, exact. Je veux pas me spoiler rien. Mais juste pour voir, tu sais... Partager l'angoisse. Exact. Puis, je voyais tellement d'affaires que au début, ça m'a passé au-dessus de la tête. Puis, c'est toutes des hints de l'histoire plus tard. Puis, tu fais que... OK, non, c'est fucking brillant, là. Ils ont tellement bien travaillé là-dessus, cette équipe-là, là. Puis, tu sais, c'est un peu drôle parce que Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil, est parti de Capcom il y a plusieurs années. Puis il a fait une couple de jeux le fun, dont Shadows of the Damned, puis... Quitté après le 4? Il a quitté après le 4, je pense. Ouais, je pense. Bon, on répète-tu plein de choses qu'on a dit à l'épisode précédent? Ouais, ben peut-être on l'avait dit. Mais il a créé une franchise avec Platinum Games qui s'appelle The Evil Within. Oui, oui. Que moi, j'ai joué au premier, puis j'ai vraiment trippé. Ouais, qui a l'air plus fantastique un peu, monde parallèle. Ouais, c'est vraiment, tu sais, c'est comme si le créateur de Resident Evil essayait de faire du Silent Hill un peu, okay. Mixé avec du Twin Peaks. Okay. Fait que c'est plus, ça se passe dans les rêves, puis on sait pas qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel, mais très horreur, fantastique. Tu sais, il y a un personnage que c'est un espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est genre d'archétype de fantôme japonais, la femme avec les cheveux noirs dans la face. Ouais, ouais. Il y a un personnage comme ça, mais elle a comme 8 bras, puis elle grimpe ses murs, puis elle crie comme si... C'est comme des yokai, là, des monstres de la culture folklore japonaise. Ouais, ben je pense peut-être plus à The Ring, parce qu'il y a pas vraiment d'autres références. Il y a pas d'autres monstres dans ce style-là. Ouais, ouais. Mais ça tu vois que Silent Hill, c'est la grosse inspiration. Mais où c'est que je voulais en venir, c'est que ce jeu-là, il était fantastique, sauf que c'est vraiment un petit pas en avant de Resident 4, dans le sens du gameplay. Fait que c'est encore un peu, genre, ça commence survival, horror, la mise en scène est stressante, mais plus t'avances dans le jeu, ça devient juste un shooter, third person, où t'as de la misère à te déplacer quand tu vises. Fait que c'est pas un gros avancement niveau gameplay de ce genre de jeu-là. Resident 7, c'est un énorme avancement. Parce que, premièrement, il y a, si je me trompe pas, il y a zéro cutscene. Donc, toute l'histoire, tu la découvres en jouant. Moi, j'ai tout le temps été un fan de ça. Même si j'aime Kojima puis Metal Gear puis tout, les longues cutscenes, ça m'a tout le temps gossé dans les jeux. Ouais. Je trouve que l'histoire devrait être racontée par le gameplay, non pas par une cinématique qui embarque. T'es peut-être pas d'accord, je sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus. Non, j'ai peut-être moins d'expérience avec des jeux modernes où les avancées graphiques permettent d'avoir des cinématiques auxquelles le joueur participe, là, j'imagine. Ouais. Mais je pense que... si on recule, peut-être c'est quoi, Half-Life 2, que c'était ça un peu, que ouais. T'étais libre d'interagir avec l'environnement, avec les personnages pendant la cinématique traditionnelle se passait. Là. Exact. T'sais, il va y avoir de l'information. Puis même, il y a beaucoup de jeux genre, beaucoup de jeux de Rockstar. C'est ça. Que, tu sais, il y a beaucoup de dialogues super importants, mais qui vont se faire pendant que t'es en train de marcher ou de rouler ou de, tu sais. Tu sens que ces personnages-là, on n'arrête pas pour qu'ils te racontent de quoi. Ils te racontent de quoi parce qu'ils vivent dans le même univers que toi. C'est ça. J'imagine les jeux récents, il y a plus cette cassure-là que, OK, là, j'arrête de jouer, là. Oui. Ça dépend. Genre, okay. Mettons, je pense à des Assassin's Creed. Ouais. Ça fait ça. OK. Puis c'est unskippable. Bon. Fait que là, tu vas rencontrer ton boss, puis là, ça coupe. OK. Puis là, c'est un plan fixe, super dull. Mm-hmm. De lui qui t'explique de quoi. Tu sais, ça me tape ses nerfs, j'ai ça. Ouais. Ça arrive pas dans Resident 4, dans Resident 7. Et, je te dirais, une des choses les plus impressionnantes, c'est, comment que tout est tellement cohésif. Donc, tout a son sens. Mm-hmm. Puis, tu vas penser quelque chose sur un truc random, un petit détail, faire, c'est non, mais weird, ça. Pis là, t'sais, comme 4 heures plus tard, tu vas faire « Ah, tabarnak, c'est donc ben malade. Mm-hmm. » Ils ont intégré ça au début du jeu sans qu'on puisse comprendre. Pis t'sais, fait que si tu referais le jeu, si tu refaisais le jeu... Parce que c'est ça, quand je checkais les walkthroughs, mm-hmm. J'arrêtais pas de faire « Hey, c'est donc ben hot, ça. Hey, ça, c'est ça. Hey, hey. » Mm-hmm. Il y a des trucs que j'ai joué que j'ai jamais vu qui sont huge. Là, parce que on va s'entendre, c'est ce Resident-là est une réponse à P.T., c'est sûr. Oui, comme on l'a dit, là, c'est sûr. Mais ils sont pas tombés dans le cliché de essayer d'imiter P.T. puis juste de faire un jeu de 15 heures avec ça. Ils ont vraiment créé quelque chose de nouveau. Mais toute l'ambiance glauque, t'as très peu de lumière, c'est tout le temps une flashlight qui éclaire pas grand-chose. Mmh. C'est vraiment... Fait qu'il y en a pas mal qu'un seul environnement, c'est la maison avec des raccoins, puis des sous-sols, puis des choses, mais je veux dire, tu sors pas de tu vois pas le soleil, là. Tu vois jamais le soleil. Puis, ça se passe, en fait, au début, j'avais comme peur, parce que là, j'étais comme, OK, ça va-tu être du level design, genre, qu'il y a pas de bon sens, qu'il y a, genre, un labyrinthe dans la maison, puis qu'il y a 10 millions de pièces. Finalement, c'est bien fait parce que c'est comme t'as une grosse maison, t'as une vieille maison, mm-hmm. Puis t'as une petite place qui est comme sur le bord de l'eau parce que tu sais c'est en Louisiane, fait que tu sais il y a plein de lacs. Fait que tu peux sortir à l'extérieur des maisons. Oui. Ok. Mais t'es pas mal confiné dans mm-hmm. ces trois environnements-là, donc la grosse maison principale, mm-hmm. la vieille qui est celle du démo que t'as joué, et l'autre qui vraiment plus une cabane sur le bord de l'eau. Mm-hmm. Puis j'imagine qu'à l'extérieur, t'as aussi des ennemis puis d'autres types de dangers. T'es jamais vraiment en sécurité. Mais l'extérieur, c'est quand même très petit. C'est plus comme une cour. OK. Fait que... t'es entre deux, entre les environnements. Fait que c'est ça. Tu vas avoir des ennemis, mais tu peux passer à côté. Okay. Tu peux les tirer. Puis moi, j'ai été Moumoune, j'ai joué à Easy. Mm-hmm. Je fais ça beaucoup ces temps-ci mmh. parce que j'ai pas beaucoup de temps. Puis des fois c'est cool jouer à un niveau de difficulté plus hard parce que t'es plus investi dans le jeu. Mais là tu sais comme j'avais envie de passer à travers puis j'étais comme je sais que le stress va pas venir de la difficulté, il va venir de l'ambiance. Fait que je crois, je suis pas sûr. C'est pas moins peur hein, parce que t'as easy. Pas en doute. Puis même je suis mort une couple de fois puis. Mais t'sais, pas assez pour que ça soit chiant puis que je décide de plus jouer puis que ça fasse une heure que je suis pas né à la même place. Puis je sais pas, je suis pas sûr exactement là, mais je crois il y a des genres d'ennemis qui sont des genres de lickers. Puis eux je crois que quand tu joues à normal ils reviennent tout le temps à la vie puis quand tu joues à easy ils restent morts une fois que t'es tué. Ok. Ça change quand même beaucoup de choses quand t'as zéro munition, puis faut que tu repasses par là, puis tu t'es comme, ah, fuck. Ouais, je sais qu'il y en a 6, là. Fait que moi, ça m'a fait du bien de savoir que quand ils sont morts, ils sont morts. Puis, c'est ça, c'est très inspiré de P.T. du démo, mais je sais pas si t'avais vu le trailer de P.T. qui est pas le démo qu'on a joué. Ouais, c'était très fantasmagorique avec les espèces de murs qui deviennent des scarabées ou je sais pas trop. Puis, Ouais, exactement. Puis très inspiré de Junji Ito. Oui, tout à fait. Avec un, tu sais, il y a un ballon qui cogne sur une porte, puis là, la porte s'ouvre, puis là, tu vas voir, puis finalement, c'est une tête qui roule à terre. Puis j'ai été surpris de voir qu'ils ont aussi intégré ce côté-là dans Resident 7. Donc, ce qui est hot, c'est évidemment, l'histoire, t'es pas shooté dans la face, il n'y a pas beaucoup d'exposition. Tu comprends un peu par toi-même, mais si tu as joué au dernier Resident, tu comprends que le virus a comme évolué. Surtout à partir du 4, on catch que c'est plus, ça rend le monde débile, puis un peu mutant, mais ils ont quand même une personnalité, puis leur tête, puis tout. Fait que t'essaies de faire des liens, puis là, il y a des trucs paranormaux qui se passent en parallèle, que là, t'es comme, OK, c'est-tu vraiment une suite dans le même univers ou ça n'a pas rapport? Est-ce que ça pourrait être un autre jeu avec un autre titre? Exact. Puis la belle réponse, c'est que non, ça fait partie de l'univers. Okay. Puis tout ça est expliqué. Puis ça, je trouve, c'est malade. C'est magnifique. Parce que justement, sinon, tu fais comme, ben pourquoi ils n'ont pas appelé ça? Grey Home of Death. Grey House of Death. Je sais pas. Grey's Anatomy. Worst Airbnb ever. Ah oui, c'est le worst Airbnb ever. Fait que si on revient au mode VR, juste comme de façon générale, je pense qu'il y en a qui profitent beaucoup de ça pour les jeux d'horreur, les expériences d'horreur. Est-ce qu'il y a d'autres types d'expériences vraiment à l'opposé totalement? Est-ce que tu peux comme te promener dans un parc à chien virtuel puis ouais, avoir ben... C'est drôle parce qu'on parlait de Julien tantôt, il m'a invité chez eux parce que lui, il a le Oculus, je pense. Je pense que c'est ça qu'il a. Puis il m'a fait essayer un paquet d'affaires. Okay. Puis il y a des affaires vraiment malades. C'est juste que on est tellement rendu sophistiqué en tant que consommateur de jeux que tu vois que c'est juste le début. Parce que, mettons, il m'a fait essayer un démo de Blade Runner, qui est basé sur le dernier film de Denis Villeneuve. Puis être dans l'environnement, c'est débile. C'est malade. Tu l'as-tu vu le film? Non. OK. Mais il y a une séquence où ils sont dans la ville puis il y a des espèces d'hologrammes géants. Un peu à la Ghost in the Shell. Puis là, tu sais... Ce qu'il y avait dans le film original. La geisha dans le... Ouais, mais ça, c'était comme un... Tu sais, c'était sur un building. Là, c'est comme des hologrammes dans la rue. Genre, okay. Il y a un char qui peut passer à travers. Puis c'est des pubs. Tu sais, c'est de la pub. Ça, ça s'en vient, là, pour le vrai. C'est vrai. Ouais, ça s'en vient. Et il y a ça aussi dans le remake live action de Ghost in the Shell. Des espèces d'hologrammes qui sont gros comme des buildings puis qui te parlent puis qui vont te pointer pendant que t'es en char. Puis j'ai fait les deux. Il y avait le démo de Ghost in the Shell basé sur le film et celui de Blade Runner. Mais c'est plus des expériences interactives. C'est ça, c'est jeux. Comme un genre de montagne russe. Là. C'est ça. Tu suis un chemin, puis tu fais... Je sais pas c'est quoi le niveau d'interaction, mais c'est plus... T'as la liberté de regarder un peu partout. Ben, pour celui de Ghost in the Shell, c'est ça. C'est juste regarder. C'est vraiment impressionnant. Parce que t'es là, tu sais. Puis, je me rappelle pas si j'en avais parlé, mais tu sais, notre ami G, il a le truc VR, puis il peut filmer en VR, puis il avait filmé dans un party, puis il avait placé la caméra au niveau des yeux, eye level. Puis après ça, il nous prêtait le casque, puis c'était complètement hallucinant d'être dans la pièce que t'es, mais de te voir avancer vers toi et te parler. Puis moi, j'en revenais pas quand j'étais gros, mais j'étais comme, vous me voyez de même? J'étais tout le temps gros de même. Mais c'est comme quand ça enregistre, puis ma voix est pas comme ça. C'est ça, je sonne pas comme un chipmunk, ça se dit. Mais c'est quand même... Disent les deux gars qui font du podcast. Ouais, c'est ça. C'est quand même hallucinant comme expérience, juste parce que t'as l'impression de vivre dans le corps de quelqu'un d'autre, au fond. Puis Ghost in the Shell, tu sais, écoute, t'es avec Scarlett Johansson, là. Fait que Moi, j'ai jamais été à côté de cette femme-là. Je la vois juste sur un gros écran ou sur une TV. Ouais. Puis là, j'étais à côté. Puis elle me regarde. Juste ça, c'est comme, c'est surréel, tu sais. Fait que ça montre. J'aimerais mieux être à côté de la Scarlett Johansson de Ghost World. Ah, je pensais que tu allais dire de Lost in Translation. Mais ça te montre le potentiel. Mm-hmm. Je sais pas à quel point narratif, mais immersif, ça, c'est ouais. Incontestable. Ouais. C'est pas pareil, mais j'ai comme un flash quand tu me dis que tu te retrouves ou tu vois comme dans une autre perspective. Puis, je pense que tu te rappelles le film Strange Days. Le Grey Fiennes. J'ai pas vu. Non. Ce puis tu m'en as parlé, puis tu m'en as conseillé. Je veux c'est comme 1999 à la veille de l'an 2000, puis il y a comme une technologie que tu te mets comme un genre de casque avec des capteurs sur la tête, puis là, il y a comme un marché noir de qui s'échange des expériences. Fait que, mettons, ils peuvent te vendre comme une cartouche à 30 000, puis c'est juste une fille de 16 ans qui prend sa douche, puis t'es comme la fille, puis tu sens tout. Ouais. Jusqu'au deal de drogue fini mal, puis que le gars se fait tirer, mais c'est juste le monde veut vivre cette expérience-là. Puis ça, là, pour vrai, je le vois tellement. Mm-hmm. Puis tu sais, même, peut-être pas autant d'un point de vue morbide, mais genre, faire du parachute, ou tu sais, genre, un courseur de Formule 1, ou un fucking joueur de hockey, puis là, tu te mets le casque, puis mm-hmm. t'es le fucking joueur, puis tu vois la game comme lui la voit. Tu sais, ça doit être complètement hallucinant. Mm-hmm. C'est peut-être même jusqu'à des bienfaits thérapeutiques là, de d'aider des gens, que ce soit des troubles mentaux, des troubles dépressifs, ou juste de ouais. faire vivre d'autres environnements ou d'autres possibilités. Là. Ouais. Puis, tu sais, ça, ce potentiel-là, mm-hmm. il est là. C'est juste que ce qui est drôle, c'est qu'on avance tellement rapidement dans la technologie qu'on... Je trouve juste ça drôle qu'on le voit que c'est juste le début, tu sais. Mm-hmm. Au Nintendo, on pensait pas au PlayStation quand on joue au Nintendo, mm-hmm. quand on était kid, tu sais. Là, on est capable de voir le potentiel de ça, puis faire que, OK, t'sais. Fait que c'est le fun, mais c'est comme un peu le... Julien puis moi, on avait déjà dit, c'est comme le logiciel pour dessiner. C'est en réalité virtuelle. En réalité, en VR. Mm-hmm. C'est super hot, mais c'est comme le Mac Paint. On le sait que ça va devenir vraiment plus hot dans 5 ans. Mm-hmm. Puis j'ai eu ce feeling-là un peu pour les jeux. Mais écoute, tu sais, être dans le char de Blade Runner, pis t'as les wipers, pis ils mouillent, pis mm-hmm. la ville est super polluée, pis tu te promènes entre les buildings avec les hologrammes géants autour, mm-hmm. là. Tu sais, tu fais rien, techniquement. T'es mm-hmm. juste dans un char, mais Christ que c'est hot, là. Tu sais, c'est vraiment malade. Mm-hmm. Après ça, tu sais, comme, j'ai pas essayé Resident en VR. OK. Puis honnêtement, je sais pas si ça me tente. Je pense que ça serait notre ami G l'a essayé, okay. il me racontait. Puis tu sais, il était comme, c'est profondément terrifiant là. T'sais, t'enlèves le casque, puis c'est pas fini. Non, non, les images se sont marquées à jamais. C'est dit parce que t'es là, fait qu'il y a juste comme une bouteille qui tombe à terre, puis tu t'en revires en faisant une crise à cœur, puis en plus, Resident, vu qu'il a été pensé pour le VR, parce que le jeu, c'est pas des bons VR au grand complet, il joue beaucoup avec ça. Fait qu'il y a des personnages qui te popent dans la face, il y a des tueurs, tu sais, qui vont se décapiter, mais à 2 pouces de ton nez, là, tu sais. Fait, je suis content de le voir sur le TV, je pense. Puis mettons, t'as le casque, si mettons, tu veux juste fermer tes yeux, puis là, là, là, là, puis t'attends, ça passe. Ben c'est ça qui est drôle, c'est que tu peux enlever le casque quand tu veux, tu peux fermer les yeux, mais c'est pas vraiment ça l'expérience. Fait il y a un côté de toi qui bat drip, qui ferme les yeux, mais qui veut les ouvrir pour voir quand même, tu sais. Puis je sais pas si t'as déjà fait des genres de cauchemars de même, là, tu sais, que il y a de quoi de dégueulasse, puis tu veux te tourner, mais t'es pas capable, là. C'est un peu ce genre d'attrait-là que notre cerveau y a de faire comme... Tu sais, c'est comme quand t'es kid, là, pis tu te caches en dessous des couvertes, tu checkes tout le temps pareil, tu sais, parce que t'as peur, t'es en dessous des couvertes, mais tu veux voir si, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ça joue, en tout cas, ça joue beaucoup là-dessus. Okay. Bref, je capote. Si vous avez une console, next-gen qui peut jouer Resident 7, puis vous demandez si ça vaut la peine ou non. Il est pas exclusif PS4? Je pense pas, non. Je pense qu'il est sur Xbox et PC. OK. Puis c'est ça. Donc, ça vous le prend. Là. C'est comme c'est un high recommendation. Mm. Pour toute la famille. Pour toute la famille. Mais c'est drôle parce que j'avais fait essayer P.T. à mon père. Oui. Qui était surprenamment très bon avec les contrôles. Okay. Moi, j'étais comme, bon, il va foncer d'un mur, puis il va longer le mur, puis il va pas catcher. Non, il catchait tout. Puis lui, là, il était fasciné. Il trouvait que les coquerelles sur les murs, c'était une super bonne idée. Là. Okay. Il dit, oh, c'est une bonne idée de mettre des bébites partout. C'était plus en mode analyse que immersion, peur. Il y avait zéro peur. Ouais. Puis j'avais fermé les lumières, puis tout. Là. Okay. Ma mère, elle aimait pas ça. Ma mère, elle voulait rien savoir, mais mon père, c'est une bonne idée. Oh, c'est intéressant. Et c'est ça. Ouais, wow. Fait que, oui, écoute, on s'excuse pas, c'est un épisode improvisé, fait qu'on fait un peu de tout et de rien. Ouais. Retour sur Resident Evil, je fais un pont, t'as mentionné Junji Ito avec P.T. et tout ça. Tu m'as envoyé récemment une bande-annonce d'une nouvelle série de Uzumaki. Ouais, c'est Toonami qui produit, mais c'est Adult Swim aussi, ouais. C'est les deux. Ouais, c'est pas clair. C'est bizarre. Toonami ou Adult Swim, en fait, c'est une série qui va sortir, malheureusement, on sait pas quand, c'est en 2020. On sait l'année, mais on sait pas quand dans l'année. OK. Fait que, tu sais, ça se peut... Ça doit être récent. Ça doit être bientôt. J'ai aucune idée. Parce qu'en même temps, c'était bientôt, je pense qu'il tirait au moins un mois. Là, mais bon. Et c'est une adaptation du manga, mais... Sur lequel on a déjà fait un épisode. Oui. C'est 8, je crois. Exact. Quand on a tellement fait, on s'y perd. On ne le sait plus. Puis, ça va être 4 parties. Okay. Donc, on ne sait pas, encore une fois, si tu dis... La durée. Si tu dis 5 minutes, si tu dis 20 minutes, si tu dis 1 heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'animation minimaliste. Donc, c'est plus qu'un motion comic. Tu sais quoi, un motion comic? Oui, ben c'est... Est-ce qu'il s'en fait encore? Je sais pas si ça en fait encore. C'est comme une BD traditionnelle avec certains éléments que t'as de l'animation, puis c'est un peu dynamique, mais c'est pas totalement de l'animation. Exact. T'sais, un des plus populaires, mettons, je pense qu'il est disponible sur YouTube, même c'est Watchmen. Mm-hmm. Un exemple, c'est, mettons, tu vas avoir un personnage qui marche dans une ruelle, ben la pluie va être animée. OK. C'est très... là, c'est un petit peu plus que ça. Fait qu'il va avoir des éléments... tu sais, dans le trailer, on voit, mettons... il y a un ruisseau, ben l'eau va être animée, sauf que c'est tout fait à partir des dessins du manga. OK. Donc, ils vont pas rajouter des effets de vagues. Donc, ils animent les dessins originaux. Puis, tu sais, il y a une séquence magnifique où il y a un personnage qui regarde le ciel, puis le ciel se transforme, mais très lentement. Tu sais, au début, tu penses même que c'est juste fixe avec un effet, mais tu réalises que le ciel est en train de se transformer en espèce de spirale, puis il y a un visage à travers ça. Et ça finit avec la dernière shot du personnage féminin qui fait juste se retourner la tête. Et là, c'est animé à 100%. Okay. Fait qu'il va avoir, j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça va être très statique, à part quelques petites instances. Puis, moi, ça m'intéresse au bout, mais l'affaire qui charme qui close the deal pour moi. C'est la musique. C'est la musique. C'est une découverte que j'ai faite dernièrement puis que je savais pas que tu connaissais, mais c'est le compositeur Colin Stetson. Compositeur et saxophoniste. Il y a comme une espèce de méga saxophone, je sais pas quel. Il s'appelle un baryton. Baryton, voilà. C'est ça, c'est ça fit parce que il maîtrise ce qu'on appelle une technique de respiration circulaire, où c'est grossièrement, c'est comme s'il y avait des pédales dans sa bouche, c'est-à-dire qu'il peut maintenir comme un rythme ou un flow de saxophone, puis rajouter des couches par-dessus tout en gardant ça. Ouais. Fait que c'est une prouesse physique, c'est assez unique ce qu'il fait. Là. Puis il y a une vidéo que tu m'as envoyée qui explique sa technique, puis c'est vraiment impressionnant quand... Parce qu'au début, tu sais, t'entends la musique, tu comprends pas vraiment ce que t'entends. Mm-hmm. C'est plus une ambiance. Moi, ça me faisait penser un peu du Philip Glass même, parce que tu sais, c'est super cyclique. Là, c'est ça, c'est beaucoup de couches répétitives, puis qui c'est exponentiel un peu. Là. Exact. Mais tu sais, tu l'entends, tu comprends pas. Puis quand tu le vois, tu fais que, OK, c'est un one take, ça. T'as l'impression que... C'est un gars, puis... C'est ça, ouais. T'as l'impression que c'est un orchestre ou qu'il y a comme une gang qui sont en train de faire ça, puis c'est un gars qui fait ça tout seul. Ça me surprendrait même pas qu'il aille juste écouter l'animation puis qu'il aille improviser dessus, puis que c'est ça qui donne la musique. Mais bref, ça fit en tabarnak. Puis le truc que t'expliquais, qui rajoute comme une traque de voix par sa gorge, c'est comme distorsionné. Fait que c'est comme s'il y avait de la disto dessus. Donc, imaginez-vous un genre de chant, mais avec une pédale de disto. Fait que ça fait un effet genre... c'est ça, un peu glauque, un peu inquiétant. Puis bref, ça fit pour Uzumaki. Fait que je pense que ça va être comme un petit joyau, là, cette affaire. Ça va ajouter beaucoup, ouais. Tu me permets-tu d'aller me chercher une bière? Oui. Pendant ce temps-là, tu peux raconter le plus grand secret que t'as jamais dit à personne d'autre. Je peux continuer de parler de Colin Sexton aussi. Ben oui. Fait que Colin Sexton, ses albums, qui ont acheté seulement avec son nom sont sur l'étiquette Constellation, l'étiquette montréalaise, où on retrouve notamment Godspeed You Black Emperor, Do Makes You Think, Sandro Perry et d'autres bons artistes influents comme ça. Puis aussi son groupe qui a lancé un album il y a 2 ans qui s'appelle XI sur l'étiquette Relapse, qui est un peu plus dédié à la musique pesante, que je t'ai envoyé, qui était sur ma liste d'albums... Vraiment capoté aussi. Là. Donc là, c'est un peu moins expérimental, mais... ça dépend pour qui, là. Ça va quand même beaucoup, là. Ça va quand même avec Greg Fox, percussionniste assez doué, puis un guitariste, puis un claviériste, fait que... Puis lui aussi, c'est ça, il était dans... Je sais pas si tu l'as mentionné pendant que j'étais une bière, mais il était dans Arcade Fire et dans Bon Iver. Il a fait des collaborations avec ces bandes-là. Ah oui? Ouais. Ça m'a surpris, moi aussi, parce que il y a un style très... T'es sûr? Ouais, je suis sûr. OK. Ça. Bon, ça, je savais pas ça. Puis, c'est lui qui a composé la musique de Hereditary. Ouais. Tu l'as-tu vu, ça, moi? Non. Je te le conseille grandement, il est sur Netflix. OK. As-tu Netflix? En VR? Non. T'as-tu Netflix? Oui, oui, j'ai Netflix. Écoute ça, man. On écoute des Queer Eye. Ouais, c'est ça. On va rendre au Japon. Moi, ouais, Axel m'a conseillé. Cab et Axel m'ont conseillé ça parce que j'étais comme, je sais pas, je file bizarre sans ça. Ouais. Écoute des Queer Eye, tu vas aimer ça. Puis j'ai écouté un épisode, puis j'ai comme, comment est-ce que quelqu'un qui me connaît peut me conseiller cette affaire-là? Il y a rien pour moi là-dedans. T'sais, j'ai rien contre l'émission, évidemment, mais t'sais, ça me parle tellement pas, là, je veux dire, c'est comme si... Non, mais faut que tu partes au début, faut que tu vois qui aide des humains. J'ai écouté un épisode, Galen, son ancienne prof. De non, mais c'est ça, mais moins, qui est moins lié avec lui directement. OK. Bref. I guess. Bref, c'est ça ton défi, au prochain épisode, faut que t'aies écouté un autre Queer Eye, puis que tu nous en fasses part. OK. T'as mentionné Cab, je profite de l'occasion pour te plugger. J'ai très hâte au samedi 7 décembre. Oui. Tu participes à la BD S'improvise. Oui. Avec Cab. Donc, ce spectacle fabuleux que c'est de l'impro traditionnelle, puis on rajoute de la BD en direct pour appuyer le travail des comédiens et vice-versa. Fait que toi, ça fait un bout que tu l'as fait? Participe à un show complet? Ouais, ça doit faire un an à peu près. OK. Puis la dernière fois, c'est que j'ai été à un show, puis... T'avais juste fait un segment. C'est ça, c'était, je pense, c'était Julien Cab. Ouais. Puis là, il y avait un segment horreur, parce que justement, je pense que c'était sur les jeux vidéo. Ouais, c'est super bon. Puis là, il parlait des jeux vidéo d'horreur, puis là, Julien a fait, j'aimerais ça céder ma place. A new challenger appears! Puis là, je suis arrivé... Je me rappelle même pas que j'ai dessiné, mais c'était comme une belle... Mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Pis... C'est ça, fait que les gens qui peuvent pas y être, allez voir sur Facebook, la BD S'improvise. Il y a beaucoup de photos, mais je pense qu'il y a une ou deux vidéos. Donc, ça va vous donner une meilleure idée de ce que c'est, mais c'est vraiment un chouette concept. Puis juste, si mettons, tu sais, c'est pas clair, moi, une des affaires que j'aime le plus de cet événement-là, c'est que c'est pour adultes. Mm-hmm. La BD se fait souvent associer, même en 2019, à encore des trucs pour les enfants. Mm-hmm. Là, c'est dans un bar. C'est de l'impro pour adultes. Il y a, tu sais, je veux dire, fait tu sais, je dis ça, là, tu sais, mettons qu'il y a des gens qui ont des kids, qui font que, ah, ce serait cool, les inviter. Mm-hmm. Non, tu sais, c'est vraiment pas pour enfants, c'est 18 ans et plus. Mais en même temps, moi, je trouve que ça nous donne une liberté dans l'humour qu'on, tu sais, on peut pas faire quand on fait le FBDM, tu sais, une bataille de personnages, ça passe moyen. Mais, puis petite anecdote, la dernière fois que je l'ai faite, c'était très drôle parce que, je me rappelle pas c'est qui exactement, mais un des organisateurs était venu me voir. Puis moi, mon trademark, c'est que je dessinais tout le temps des grands. Je dessinais des pénis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça marchait tout le temps. Est-ce que c'est encore le cas dans tes œuvres imprimées jusqu'à maintenant? Ben, dans Alice, c'est clair que oui. Ouais, ouais. Mais, ils sont pas cachés. Là, tu sais, un des organisateurs, je me rappelle pas si c'est Julien ou Patrice, en tout cas. Quelqu'un est venu me voir faire comme, Jake, on t'aime. On te trouve super drôle. Mais, t'sais, fais pas systématiquement des pénis parce qu'à un moment donné, la joke, elle loupe, là, puis elle devient plus drôle. Puis j'ai fait, ah, Chris, tu ne lèves plus. Ben, c'est ça. Puis là, j'étais comme, Chris, vous avez raison. T'sais, comme, je me donne le défi de pas dessiner de pénis, cette game-là. Puis là, finalement, il y a un impro qui se passe, puis il y a un caucus, puis il y a un des comédiens qui vient me voir, puis il est comme, hey, Jake, faudrait que tu dessines un énorme pénis sur moi. Parce que, tu sais, c'est ça qui est hot, vu que c'est un projecteur, c'est projeté sur les comédiens. Fait que quand on se parle avant, on peut dessiner quoi, puis ça va être projeté sur lui directement. Oui, sur des bouts d'acétate que vous pouvez bouger sur le projecteur. Le gars, son concept, en plus, c'était bon, c'est que, tu sais, il est allé en voyage, puis il s'est fait faire un gros tatou dans le dos, c'est spirituel, ça représente un dieu, puis il monte ça, c'est comme une grosse graine noire, là. Fait que... fait que c'était vraiment drôle. Ouais. Mais là, il me le demande, puis je suis mais j'ai juré que je déciderais pas de pénis. Puis il est comme, hein, quoi? Puis là, on n'a pas le temps de parler, fait qu'il part, puis je suis comme, fuck, je vais le faire pareil. Puis, fait que ça, c'est genre un petit exemple de le genre d'affaire qui peut arriver, qui est bien drôle. Fait que tu feras pas de pénis samedi, le 7 décembre. Ben, en fait, c'est que je pense que le message, c'est... Ben oui, non, c'est d'oser puis de sortir au moment approprié. C'est ça. Mais c'est parce que je pense que les premières fois que je le faisais, il y a quelque chose qui est drôle parce que tu fais comme, ben voyons donc, t'sais, ça se peut pas. Puis on est, encore une fois, pas nécessairement habitué à voir des dessins, des cartoonistes faire de l'humour adulte. Mm-hmm. Fait que ça pognait tout le temps. À chaque fois que je dessinais ça, il y avait la foule qui faisait « Oh my God! » puis qui partait à rire. Fait que c'est sûr que ça m'a encouragé dans ma niaiserie, hostie. Mais après ça, j'ai compris que c'est ça. Non, que c'est ça fit dans le contexte. Tu dis public adulte, bar, mais c'est pas... Il y a moins de censure, mais on mise pas juste sur les pénis puis les autres affaires de même, tu sais ça. Évidemment, mais non, mais non. Mais il y a tout le temps des thématiques, en fait. Oui, oui. Puis là, ça va être le cinéma. Ouais, c'est ça. Thématique quand même large, comme les jeux vidéo, tu sais, c'est très large. Ouais. Mais Fait que ce serait quoi pour toi le meilleur film puis le pire film pour faire une impro que tu aurais à dessiner? Hey, là, tu me prends de spot. Je vais laisser ça là. Attends, je veux arriver avec de quoi. Le meilleur film, ça serait sûrement genre de quoi de super fantastique. Genre, je pense à Lord of the Rings. Il y a beaucoup de gags visuels à faire avec ça, juste parce qu'on peut s'éclater. Ouais, tout le monde connaît ça. C'est ça. Le pire film serait sûrement, tu sais, comme une comédie romantique, là, genre. Que t'écoutes avec ta blonde. 10 Things I Hate About You, là, ou Bridget Jones, que genre, je suis comme, qu'est-ce que tu veux que je crisse avec ça, là, tu sais. Je m'a dessiné une fille qui était Hugh Grant. Ouais, c'est Hugh Grant. Mais le pire, c'est que je dis ça, puis je suis sûr que Cab, elle pourrait faire de quoi de mal avec ça, tu sais. Ouais. Fait que d'où l'entraide. D'où, Ouais, ouais, ouais. Puis Cab, c'est comme, besoin. C'est une de mes meilleures partners. Mm-hmm. C'est ça, parce qu'il faut le rappeler, si vous avez pas beaucoup de temps, c'est 1 minute, 2 minutes, 3, 4, 5 minutes, mais ouais. C'est ça, c'est pas tous les dessinateurs professionnels qui dessinent très bien, qui peuvent dessiner, fournir sur ce type de pression-là. Ouais. Ouais. Mais il y a beaucoup de nos amis qui sont extrêmement talentueux, qui sont super bons en BD, que... parce que finalement, tu te rends compte que c'est pas tant à propos de la qualité du dessin, mais plus de l'idée qu'il y a derrière. Fait que c'est plus c'est le temps de réaction puis comment tout s'enchaîne. C'est de l'impro pour nous autres aussi, tu sais, c'est ça. Fait que tu peux être un super grand acteur, mais en impro, t'es pourri, c'est un peu le même concept. Puis, tu sais, je me rappelle c'est que genre... C'est bien comme ça aussi. Ben oui, tu sais, Francis Desharnais, mettons, tu sais, c'est... c'est pas un dessinateur genre super réaliste ou tu sais, qui va faire des illustrations malades. Mais c'est un Chris de bon storyteller, puis tu sais, en impro BD, il est malade, là. C'est lui qui arrive avec les meilleurs gags, c'est lui qui a amené beaucoup de concepts genre déchirer le papier, tu sais, faire des trucs jouer avec le médium. Ouais. Fait que ben oui, venez, ça va être la fin. Samedi le 7 décembre au Brewpub Brouhaha en Rosemont, checkez ça sur Facebook. Ouais, amenez vos enfants et laissez-les à la porte. Dites-lui d'aller prendre une marche. Plein on parle de dessin, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur le Inktober. Oui, ben oui. Dark Tank. Mm-hmm. Oui. Moi, c'était un peu, je ne sais pas dessiner. Puis c'est un peu un coup de tête comme notre ami libraire Laurent Boutin l'avait fait il y a 2 ans. Ouais, c'était ça ton inspiration. C'est lui qui m'a donné le coup. Parce qu'on rappelle Inktober, Dark Tank, c'est tout le mois d'octobre. L'idée, c'est de faire un dessin ancré par jour. Il y a une liste de thèmes qui est suggérée, mais c'est libre à tous, là. Ouais. À tous et à toutes. On peut faire ce qu'on veut. L'idée, c'est vraiment d'être régulier, de voir l'évolution, puis de s'engager à faire ça. Ouais. Évidemment, faut pas que ça devienne une tâche puis un boulet. Faut y prendre goût, mais non, je me suis vraiment surpris à aimer ça. Puis en plus, toi, t'as fait de quoi qui est, tant qu'à moi, l'affaire la plus difficile. C'est que moi, j'ai souvent essayé de le faire d'une manière un peu random, juste en checkant les thèmes, mais que moi, je m'étais pas imposé de thème. Donc, t'arrives, puis là, tu sais, tu te lèves le matin, puis tu vois le thème, puis là, t'es comme « Ah, fuck, qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis là, tu y penses, puis là, t'es comme « Ah, je vais le faire plus tard, puis finalement, tu skips une journée. » Puis aussitôt que tu skips une journée, ben t'en skips 4, puis là, finalement, tu finis pas. Mais là, tu t'es donné une espèce d'univers ou de ligne directrice au-delà des thèmes. Exact. Tu sais, je me suis dit, peu importe ce que je fais, ça va être à partir de ça. Mm-hmm. Puis le mot qui fait partie de la liste des thèmes suggérés va m'informer dans mon sous-thème. Tu sais. Donc, ça m'aidait déjà à dire, tu sais, même si ça a plus ou moins rapport avec le mot, mais au moins, j'avance. Tu sais, j'ai un point de départ. Toi, t'as aucun thème rassembleur. Tu sais, à chaque fois, c'est un nouveau concept. Ouais. C'est ça qui puis je misais pas sur le dessin. Mais en même temps, les concepts que t'avais, c'était hot, là. Je sais pas si tu peux en nommer une couple, là. Ben, juste... C'est ça. Il y en avait un, c'était frail, donc fragile ou... comme cassant ou tout ça. Puis j'ai juste répliqué, dessiné la page d'accueil, d'accès, d'accéder finalement là où qu'on rentre notre information, exact. Parce que la fuite des données et tout, donc plein rire, mais c'est ça. Ouais, fait que c'est ça, j'avais souvent une idée en tête, je prenais une photo sur mon téléphone, puis ensuite je m'assoyais, puis... Il y en a que tu répliquais des covers de jeux vidéo. Oui, ça, c'était malade. Quelques fois, oui. Un qui m'avait vraiment fait rire, c'est le thème, c'était « Wild ». Puis juste avant, on s'était parlé en texto, j'allais passer chez vous, ben c'est d'ailleurs là qu'on a enregistré le dernier, dernier La Cave. Puis on avait la discussion la plus plate, c'est-à-dire genre, ouais là, je partirai pas trop tard parce que j'ai full de pages à faire après, puis t'étais comme, ouais, moi, je travaille demain, fait que, ok, c'est bon, à tantôt. Puis genre avant, c'était comme, ah, finalement, je peux pas, mais l'autre journée, tu peux-tu? C'était comme... Wild! Ouais. C'était juste mercredi soir, ça non soir. Mais c'est tout ça, c'est qu'en fait, t'as dessiné notre conversation en texto, tu sais. Fait que, moi, j'étais vraiment impressionné par ça, t'sais, ça me faisait rire à tous les jours. Puis c'est ça, parce que, tu sais, dans notre réseau, si tu suis, si vous Faites juste entrer le hashtag Inktober, il y a comme plein de beaux dessins professionnels, semi, pis c'est super beau. C'est, moi, j'amenais quelque chose d'autre qui surprend un peu. Ben oui. Puis tu sais, c'était... L'effet était aussi hot que quelqu'un qui a passé 20 heures son fucking Inktober, parce que, tu sais, t'as fait rire du monde à tous les jours pendant un mois. Tu sais, pense-y comme il faut, là, c'est hot en Christ, là, tu sais. Puis même si c'est juste, t'sais, 10 secondes dans ta journée, tu l'as fait pour un paquet de monde qui te suivait. Puis c'est ça, tu sais, il y a du monde qui se donne ben trop là pour Inktober, là, tu sais, qui font des illustrations. C'est pas vraiment ça l'exercice. Ouais. Là. C'est comme un 24-hour. Ça leur appartient. Ben oui, c'est ça. Évidemment, c'est la liberté. Hein. Ouais. Mais c'est ça, l'idée, encore une fois, les thèmes de d'être régulier, puis de voir l'évolution tout au cours de l'exercice. Puis Non, j'ai bien aimé ça. Ouais. Puis j'encourage tout le monde, que vous sachiez dessiner ou non, à participer si vous le voulez. Ouais. Tout le mois d'octobre prochain. Fait que voilà pour Inktober. Puis encore une fois, ça nous montre que le dessin, c'est un outil de communication. Puis tu vas avoir des BD, que j'en ai beaucoup, là, des BD super belles, qui sont pas nécessairement des bonnes histoires, puis qui vont te laisser un peu frette, mais que l'image est belle. Tu vas avoir des BD... Tu sais, quasiment fait avec des bonhommes allumettes qui vont te rendre des yeux pleins d'eau, te rendre super émotif. Donc, découragez-vous pas en vous comparant à du monde super hot, parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est l'identité puis de la personnalité. C'est ça qui a paru dans ton Inktober, c'est ça qui est ressorti. Puis même que moi, ça m'a vraiment, vraiment encouragé. Tu sais, on a fait 2 épisodes sur notre processus là, artistique. Oui. Je sais pas quand ça va arriver. Un jour, je vais te scénariser une BD, puis c'est toi qui vas la dessiner. Je me rappelle quand je t'ai dit ça, je t'ai montré une image que t'avais faite, je pense que c'était Legend of Kaguya. Okay, puis là, t'as dit, ouais, mais là, je serais pas capable de faire ça sans modèle. Là. Puis je fais, ah, mais tu t'arrangeras, là, mais je veux que tu la dessines. Ça va être moi qui vais scénariser, ça va être toi qui vas dessiner. Okay. Puis je pense que ça serait le fun pour vrai, tu sais, un genre de fanzine. Pas beaucoup de pages. 200 pages. Non. Mais qui sait, un jour ça va arriver. Okay. Mais sans pénis. Ah, ça c'est moi le scénariste. Ouais, si vous me mais là tu vas comprendre la force du dessinateur. Et les libertés. C'est exact. Ouais. La force du dessinateur là, c'est exactement pareil comme le réalisateur de film versus le scénariste, c'est lui qui décide. T'as beau écrire c'est lui qui a le dernier mot. C'est moi qui fais... Non, ça me tente qu'elle aille un œil au bar noir, finalement. Puis, non, je voulais pas. Ah, c'est ça, j'ai dessiné. Nous deux, c'est jamais vraiment arrivé qu'on... Pas jusqu'à avoir des frictions. Pas des frictions, mais tu sais que je fasse comme non, ça va être de même, Ouais. C'est jamais vraiment arrivé. J'ai tout le temps embarqué dans tes affaires, puis t'as tout le temps aussi... Juste avec les titres, là. Mais... Ouais. Puis encore là, pas souvent. Non. Bref. Ouais. Voilà. Avais-tu quelque chose d'autre en tête? J'ai envie de tendre une perche s'il y a des gens qui nous écoutent. J'ai une obsession de ces temps-ci. Et si des gens, parce que c'est un nouveau sous-genre de la BD que je viens de découvrir, puis si des gens connaissent ça plus que moi ou qui ont des choses à me conseiller ou qui veulent m'informer là-dessus, ça me tente juste d'ouvrir la porte. Je parle de Outlaw Comics. Donc Outlaw Comics, c'est pas une maison d'édition, c'est vraiment un sous-genre et c'est un peu l'équivalent de... Pour le décrire, là, c'est quoi un vrai Outlaw Comics? C'est pas de la BD criminelle. Ben oui, en fait, c'est de la BD criminelle. C'est de la BD qui est vraiment... Qui était prohibée dans le temps. Qui était... Ouais, c'est ça qui est... Mais pas d'une manière légale par le gouvernement, mais d'une manière indécente. Fait que c'est souvent de la BD noir et blanc, auto-éditée, qui a aucune censure, c'est souvent un auteur qui va vraiment se défouler à travers mm-hmm. cette œuvre-là. Tu sais, pensez à, mettons, il y a eu un gros mouvement dans les années 80 après les Ninja Turtles, qui était le Black and White Boom. Mm-hmm. Fait que tout le monde s'auto-éditait des petites BD en noir et blanc qui essayaient de distribuer le plus possible. Et les deux gros exemples de Outlaw Comics qui ressortent le plus, c'est The Crow. Okay. Parce que c'est comme une BD que t'es, imagine quand t'es kid, tu tombes là-dessus, t'es comme, t'es pas supposé lire okay. ça. C'est pas Superman, c'est pas, là, évidemment, on connaît The Crow. À grande échelle, on connaît The Crow à cause que c'est un succès commercial à cause du, bon, du film et tout. Mm-hmm. Mais tu sais, à l'époque que c'est sorti, c'était très, très, très obscur. L'autre exemple qui ressort souvent, c'est Faust, qui est une BD d'un genre de super-héros satanique, ultra-violent, ultra-sexuel. Puis, bref, il y en a beaucoup des BD comme ça, mais c'est inconnu parce que, justement, c'est dans la cave du underground. C'est okay. vraiment dans la cave de la cave. Là. Fait qu'avec l'accessibilité et la distribution d'aujourd'hui, il s'en fait moins. Les Outlaw Comics, ou ça remonte? Aujourd'hui, j'aurais de la misère, tu sais, à part ce que tu feuilletais tantôt, ouais. Benjamin Mara, qui fait American Blood, puis une couple d'autres affaires. Mais tu sais, penser indépendant, outrageous, mm-hmm. c'est... Puis on parle de trucs qui se trouvent, que c'est plus dur à trouver là, aujourd'hui. Exact. Puis le problème souvent qu'il y a, c'est que, mettons, je vais au Comic Hunter, qui ont à peu près toutes, mais je sais même pas c'est quoi. Parce que c'est super underground. Mm-hmm. Fait que j'ouvre juste la porte d'un coup, des fois qu'il y a un auditeur qui fait que, hey, ça me fait penser à telle BD, je vais y en parler. Puis je fais comme, oh my god, je connaissais pas ça. C'est le genre de truc qui m'obsède ces temps-ci. Donc, c'est, dans le fond, tu veux de la BD que tu sais pas qui existe. Exact, ouais. Ok. C'est ça. Mais qui est dans ce pan-là, parce que, je suis le channel YouTube Cartoonist Kayfabe, mm-hmm. qui sont des deux gars qui sont incroyables puis qui font vraiment une analyse profonde du médium de la BD. Mm-hmm. Puis ils ont parlé d'Outlaw Comics. Exact. Okay. Ils ont parlé de ça. Okay. Puis c'est à cause de eux que j'ai comme associé certains mm-hmm. titres. Je me l'ai commandé une coupe sur eBay, je me l'ai acheté une coupe au Comic Hunter. Mais sinon... Il y en avait que tu connaissais déjà avant de l'écouter là. Ben, les deux que j'ai nommés, Faust okay. puis The Crow, okay. parce que c'est comme les plus gros pour comme donner une image de mm-hmm. ce que c'est l'Outlaw Comics, mais il y en a un paquet d'autres que, je veux dire, c'est très large quand même comme style, mais c'est ouais. juste extrêmement underground, extrêmement graphique, extrêmement choquant, et très, souvent très viscéral, très personnel, tu sais. Ok, mais pas uniquement choquant pour choquer. Non, mais ça prend de la violence et de la sexualité. S'il y a pas ouais. ça, c'est pas vraiment un Outlaw Comics. Tu sais, si tu as une BD super indépendante qui est à propos d'un gars qui promène son chien puis son mm-hmm. chien meurt, je sais pas à quel point ça peut être un Outlaw Comics. Le okay. mot outlaw est quand même clé okay. dans le genre, c'est supposé être choquant. Fait que le genre de Comics Code des Outlaw Comics, c'est d'avoir du sang pis du cul. Mais c'est prendre tout le Comics Code, tout ce qui empêche, pis mm-hmm. c'est fait ça. C'est ça, c'est ça, mais c'est un peu d'imposer de jouer dans ces règles-là. Oui, puis c'est aussi une espèce de, je sais pas comment appeler ça, mais il y a une esthétique qui se fonde à partir de ça. C'est comme la communauté, tu sais, death metal un peu, tu sais, qu'on veut aller dans l'abus absolu, tu sais. Mm. C'est ça l'esthétique. C'est mm-hmm. pas d'être nuancé puis de mm-hmm. genre avoir quelque chose derrière ça. C'est non, c'est le plus lourd, le plus violent, le plus okay. rapide, le plus gros. Puis ces temps-ci, je suis obsédé par ça. Genre, je me commande des petits comic books sur eBay. Okay. Puis je lis ça puis je trippe. Puis c'est peut-être à cause d'Alice, je sais pas. Ouais. Je trouve que Alice est très soft comparé à ces comics-là. Je t'en montrerai un tantôt là. Tu sais, c'est comme... ça n'a pas de bon sens, là. Okay. Mais c'est, on dirait que ça, cette esthétique-là me plaît, puis j'aime okay. ça qu'il y ait des choses qui choquent. Okay. Sinon, ça va ce temps-ci, toi? Mais c'est peut-être ça, hein? Ouais. C'est peut-être que je me défoule à travers ouais. ça, en fait. Okay. Sinon, c'est Noël bientôt. il y a de la neige. Ouais, ben oui. On va préparer un épisode spécial de Noël ou en tout cas. Ouais. On va essayer, on s'engage à faire un autre épisode avant Noël. Ok. C'est bon ça? Moi, je suis partant. Il faut que t'écoutes un Queer Eye. Ils ont-tu un spécial de Noël? Non. Okay. Écoute le premier, la première saison. Ouais. Fait qu'on va aller travailler là-dessus. Toi, t'as-tu une recommandation musicale ou quelque chose à ajouter? Pour finir? Ouais. Ouais. Bon, on se dit à la prochaine. Yes. Ouais. Fait que merci de nous écouter. Ou pas. Fait qu'on va écouter Yezu avec Old Year. OK. Salut. Bye.